franceinter.fr. À votre écoute, coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima sana, in corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe et Margaret de Beaulieu. Aujourd'hui, c'est Victoria qui nous appelle de Cannes. Ah, Cannes, les promenades sur la croisette des Anglais. Comme la plupart des stations du littoral de la Côte d'Azur et de la Riviera, la ville connaît, grâce à sa population de prestige, un développement important. Cannes, une ville qui nous fait rêver depuis quelques années déjà, puisqu'elle accueille tous les ans le fameux festival d'art pyrotechnique. Bonjour, Victoria. La victoire ou bien au contraire la chute? Je pense en effet aux chutes Victoria. Alors, d'où vient ce prénom, Victoria? Eh bien, je te laisse deviner, Marga. Oui, vous me tutoyez donc. Alors, attention hein, à ne pas confondre proximité et familiarité. Et c'est valable pour tout le monde. Voilà. Oui, Ouna. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut, madame? Quel est votre problème? Anima sana ou corpore sano? Mais c'est pour toi, Marga, que j'appelle. Oui, madame, s'il vous plaît, vous gardez le vouvoiement, ne serait-ce que pour l'efficacité de mes consultations. Et même à mes très jeunes patients, j'impose le vouvoiement dans mon cabinet. Il est très important de maintenir une distance faite de respect et de crainte. Et oui, d'où notre choix du vouvoiement également à la maison pour nos enfants. Enfin, à part pour Marie-Pierre, évidemment, qui est la rebelle de la famille. Il y en a toujours une. En l'occurrence, deux, n'est-ce pas, Margaret? Oui, bon. Oh, c'est vrai que certaines fois, j'ai juste le temps sur une petite viande froide pour dîner, mais ça va. Hein, pas non plus la mer à boire, comme disent nos ados. Merci, Victoria. Attends, Marga, on s'est connus très bien. C'est pour ça que je me permets de te tutoyer. Oui, alors là, bon, ça doit remonter un moment parce que j'ai aucun... Ah, oui, si, d'accord. Ah oui. Oui, oh, bah, dis donc. Non, mais oh, oui, d'accord, mais bon, c'est pas parce que vous avez gardé les enfants pendant 4 ans que tout à coup on est les meilleurs amis du monde. On se tutoyait pas à l'époque, on va pas commencer maintenant, hein, Victoria. Oui. Oui. D'autant que je vous avais demandé de ne jamais appeler ma femme et de ne rien lui raconter. Parce qu'il n'y a rien à raconter, donc ça sert à rien d'appeler les gens si on n'a rien à raconter. Voilà, ça ennuie tout le monde. C'est bizarre ce que tu dis. Oui, bah, de toute façon, avec toi, tout est bizarre. Voilà, Anna Maria, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, moi je m'appelle Victoria. Ah bon? Ah ben non, mais ça va, c'est pas... Non. Ah oui, non, c'est vrai. Alors, bon, Victoria, je vois pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait se connaître, madame? Eh ben, les lycées Jean Mermoz à Buenos Aires. Ah! Non. Hein? Ah! Non. Ah! Oui! Oui, d'accord, Victoria, oui, oui, mais c'est loin, hein, ça. Oh, mais tu te souviens, quand on sortait du lycée et on achetait les dulces de leche, la confiture de lait, et que ton papy Klaus nous préparait les goûters. Mmh. T'es encore vivant, ton papy? Rien n'a jamais été prouvé. Des? Rien n'a jamais été prouvé. Mais tu te souviens, il trempait ses doigts dans les dulces de leche et il fallait lui lécher. Non. Si. Il insistait très fort. Avec sa grosse voix, tu te rappelles, ça nous faisait peur. On l'appelait le duché de l'échesse. Tu te rappelles? Oui, Victoria, il faut jamais se rappeler le passé. C'est la psychothérapeute qui te le dit. Voilà. Mais si, ça fait plaisir. Alors, tu sais, quand tu es partie vivre en France, moi, je suis partie en Espagne. Et maintenant, je vis entre la France et l'Espagne. Eh ben, tant mieux, Victoria. Voilà. Merci. Tu sais, je suis en train d'organiser un petit dîner avec tous les anciens des Jean Mermoz dans mon appartement à Paris. Écoute, j'en ai retrouvé plein. Oui, ben je suis plus sur l'avenir de par mon métier, tu sais. Ben voilà, je confirme. Hein. Il y a quelque temps, un frère de Marga, qu'elle ne voit plus depuis des années, a réapparu, comme par magie, pour lui demander de vérifier si elle était compatible pour une greffe de moelle osseuse. Mmh. Eh ben, elle n'a pas donné suite. Hein. Oui, non, elle n'est pas du tout nostalgique, ma Marga. Hein. Ben oui, je suis comme ça. C'est pour ça. Merci, Victoria. Merci. Je veux vraiment pas venir dîner? Écoute, il y aura Franz Aumier. Tu sais, son grand-père était très ami avec ton papy. Et son oncle, son grand-oncle, c'était l'aumônier qui avait fait venir ton papy de France. Rien n'a jamais été prouvé, je ne suis pas libre à dîner. Mais je t'ai pas dit quand? Quand? Mardi. Je peux pas. Vendredi alors. Je peux pas. On mange du poisson le vendredi. Eh ben, j'ai ferré du poisson. Bah oui, mais je peux pas. En fait, tu veux pas du tout me revoir, c'est ça? Madame, je crois que ma femme a été claire. On va la laisser tranquille. Et puis nous aurons ainsi le temps de résoudre le ou les problèmes de corps ou d'esprit d'un prochain auditeur. Voilà, désolée Victoria, c'était très agréable. Mais là, on doit te laisser parce que nous, on travaille. Et en plus, tu dois passer plus de temps en Espagne qu'en France parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'est tout dit. On comprend un mot sur deux. Alors, quand on t'a en face, ça doit aller. Mais au téléphone, c'est un petit peu pénible. Voilà. Tu m'étonnes, hein, parce que tout le monde me comprend très bien. J'y travaille autant en France qu'en Espagne. Et parler, c'est quand même un peu mon métier. Eh ben, tant mieux, voilà. Écoute, t'étais plus sympa en Argentine. Oui, écoute, t'appelles pas pour faire mon procès, à moins que tu sois avocate. Non, je suis comédienne. Ah oui, oh ben dis donc, une actrice, oula, une star peut-être, c'est connu. Oui, assez, oui. Ouh là là, connue. Oui. Victoria principale. Victoria Abril. Oui, oui. Victoria Abril ? Bah oui, mais j'ai changé les noms, hein. Oh, oh Victoria Abril, c'est pas vrai, vous adore. Bah c'est oui, à Cannes, bah oui, Victoria, oh. Oh, c'est génial, merci hein, de nous appeler, Victoria. Oh là là, Victoria Abril, merci. Oh, c'est génial. Oh, je me disais aussi, je reconnais la suavité toute ibérique de cette actrice hors du commun. Oh là. Vous êtes toujours très souple hein, dans vos rôles, vous avez fait de la danse, non ? Vous êtes capable de prendre des positions totalement inattendues, non, Victoria ? Même oui. dans la vie privée aussi, non ? C'est le médecin qui parle, attention, oulala. Ah, mais je ne suis pas que souple, hein. Je suis comédienne et chanteuse aussi. Ah oui, et... non, mais il dit ça, parce que... Arrête, pourquoi tu dis parce ça ? Que c'est pas... Alors, Victoria, oh, ça fait drôle, Victoria. Qu'est-ce que vous m'avez dit pour le dîner ? Je ne sais plus, mardi. Oui, ma mardi, ben voilà, c'est bon. Je ne peux pas mardi. Ben, pourquoi ? J'ai plus très envie. Allez, au revoir, à bon entendeur. Bah, pourquoi tu... Bah, enfin, qu'est-ce qu'elle... Est-ce qu'elle a pris la grosse tête, ta copine, ou quoi ? J'imaginais pas du tout comme ça, je suis très déçu. Pardon hein, de ne pas faire partie du monde merveilleux des vedettes, mademoiselle Abril. Bah, vite oublié l'époque, on était copines comme cochonnes et on rigolait sans se prendre pour je sais pas qui. Bah, ma chère Victoria, méditez sur cette phrase. Célébrité n'est pas belle et ce n'est pas ce qui nous grandit. Voilà, et c'est de Boris Pasternak, écrivain russe prix Nobel en 58. C'est autre chose qu'une actrice, hein. Excuse-moi. Plus de mémoire et toute petite, Victoria Abril. Bon, enfin... Merci Yann Chouquet, notre vedette à nous. Mais qui reste accessible, lui. Au revoir, Marga, la star à moi. Mon Philippe, au revoir. Je te décerne la palme de l'amour. À votre écoute, coûte que coûte. Pour participer à l'émission, laissez-nous un message au 01 56 40 23 95.